elles aiment pas les salopes. Après je me renferme, je suis solo. Quand je suis en zone d'air Saint-Trope, d'épée sur le polo. On regarde pas des travers, la compte de ta grand-mère. Ils sont pleins de manières. Imagine ils ont des carrières. Allez, retour à Paris. Nique le temps nos barrages. Ça veut la Ferrari. La GS dans le garage. 180 000 c'est hyper. Je pourrais perdre le mi-père. Faut que je fasse gaffe aux gens masqués. Aux langues des vipères. Sous Aïe, sous Kali. De bord, je suis à Bali. Restez pour la balle. Tu me dis, wesh, tu m'as sali. Souhaï, Suzukali. De part, je suis à Bali. Restez pour la balle. Tu me dis, wesh, tu m'as sali. J'aurais filmé ma vie. Mon ceinture est pris peur. J'ai des dizaines de stories dans le rétroviseur. J'suis baisé, j'ai mis le Stan Island. J'démarre comme Erling Haaland. Elle peut te tuer à la longue. Si tu la tiens pas ta langue. Non faut pas déconner. Si tu me connais, moi m'en fous de la monnaie. Juste pas les gens gros, on est comme on est. On est comme on est. Ce que je fais c'est pas donner. Y'en a pour faire les rappeurs. Ils sont obligés de faire les gros bonnets. À la misère j'étais abonné. Il fallait se tramponner. Je t'ai conseillé à un moment donné. Pleure pas si après tu te fais tamponner. Je t'ai conseillé à un moment donné. Pleure pas si après tu te fais tamponner. Sous Aïssou, sous Kali. De part, je suis à Bali. Restez pour la balle. Tu me dis, wesh, tu m'as sali. Sous Aïssou, sous Kali. De part, je suis à Bali. Restez pour la balle. Tu me dis, wesh, tu m'as sali.